On reçoit Rick Mialou du Centre Recherche d'emploi de Penetang. Salut Rick. Oui, salut Jean-Philippe. Ce matin, on parle de CV. Là, moi, présentement, je n'ai pas de besoin, mais il y a des jeunes qui cherchent encore peut-être des emplois d'été. Là, on a trois points à parler. Le premier, c'est de structurer son CV. Faut pas que ça ressemble à la chambre d'un ado pain de mail. Non, exactement. Il faudrait que ce soit un CV très structuré. J'aimerais quand même signaler que ça, on va que partager quelques points. Il y a beaucoup de choses à regarder, mais évidemment, c'est juste quelques points que nous allons voir. Donc, en parlant de structure, c'est très important, oui. Puis, c'est quoi pour toi les points principaux là, à mettre? Donc, admettons qu'on parle de la structure du CV, il est très important que les coordonnées soient dans le haut du CV, donc le nom, votre nom, vos coordonnées, votre adresse, votre numéro de téléphone, l'adresse courriel. Donc, ça donne déjà deux manières de vous contacter, que ce soit par téléphone ou par adresse courriel. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, il faut dresser la liste de diplômes, formations pertinentes qui ont été suivies. Donc, vraiment des choses qui sont très, très, très pertinents. Pas ce que nous pensons qui devrait marcher, mais des points pertinents. Mon cours de cuisine que je vais suivre cet été, là, avec la clé, là, je ne mets pas ça. Si tu postules pour travailler à la radio, ça ne serait pas une bonne idée. Okay. Tu le mettrais si tu veux aller travailler pour le Gosier, qui est le service de traiteur de la clé. Oui, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, il faut mettre des points très pertinents. Les détails pourront venir un peu plus après. Mais vraiment, quand on parle de structure, on parle de l'historique de carrière, on parle d'un historique, on parle des diplômes, les formations, mais de manière très structurée avec des dates précises. Moi, je me demandais, si tu es rendu à 50 ans, là, ça fait déjà 30-35 ans, tu fais pas quatre pages de tes antécédents, tu mets les 3-4 derniers. Oui, évidemment. C'est sûr que il faudrait faire très attention. Le CV doit avoir, on doit se donner un maximum d'au moins 2 pages. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on veut mettre doit se retrouver vraiment à la limite dans ces 2 pages-là, que ce soit recto ou verso ou 2 pages différentes, pas de problème. Mais ça doit être 2 pages nécessairement. Donc, si on parle de l'expérience, on parle de l'expérience de travail, les diplômes, une présentation personnelle. Tout ça, il faut que ça se regroupe dans les deux pages, oui. Après ça, on a mettre l'emphase sur les réussites. Si jamais, là, toi, t'as gamé tout l'hiver, là, puis que t'as ton empreinte de fesses sur le divan, tu mets pas ça, là. Non, effectivement. Il faut vraiment mettre des responsabilités clés, des choses qui sont très, très, très, très pertinentes. On reste un peu dans la pertinence, là, évidemment. Donc, il faut mettre vraiment des points qui ressortent, qui disent un peu qu'est-ce qu'on faisait comme tâche quotidienne. Qu'est-ce que j'ai contribué quand j'ai travaillé à tel endroit, qu'est-ce que j'ai fait, quel est l'apport que j'ai apporté à l'organisation. Moi, je me posais la question, si tu fais du bénévolat, est-ce que c'est pertinent de le mettre ou tu mets juste tes antécédents là, d'emploi? Ben, effectivement. En fait, dans une autre capsule qu'on pourra faire à l'avenir, le bénévolat, au fait, c'est un très bon point parce que c'est une manière de gagner de l'expérience de travail. Beaucoup de personnes, des fois, ils sont bloqués. Ils ne savent pas s'ils sont qualifiés pour faire un autre travail. Alors, le bénévolat est un bon moyen pour pouvoir faire tout simplement toucher un peu comment est-ce que ce travail fonctionne pour avoir une meilleure idée. De sorte que si un jour, maintenant, tu veux postuler pour X ou Y emploi, alors que tu aurais déjà fait du bénévolat à l'intérieur, c'est de l'expérience déjà gagnée. Donc, évidemment, c'est pertinent de faire du bénévolat, oui. Et puis, une chose très importante dans le deuxième point, sur mettre l'emphase sur les réussites, n'attendez pas l'entrevue pour parler de votre réussite. Ça veut dire que vous devez parler vraiment de vos réussites dans le CV parce que ça se peut que vous n'ayez pas une chance d'être appelé. Donc, le CV va vous présenter, le CV va parler de vous. Donc, assurez-vous de mettre vos réussites dans le CV. N'attendez pas l'entrevue pour le faire. Aussi, tu parles de ne pas attendre l'entrevue. Oui. Aujourd'hui, on va souvent envoyer notre CV par courriel. Oui. Est-ce que c'est encore pertinent d'aller dans l'entreprise, d'aller se présenter, d'amener son CV en main propre en plus de l'envoyer? Oui, c'est toujours pertinent parce que la majorité des cas, les employeurs, ils voient qui est-ce que nous avons devant nous. Il y a une publicité présentement qui passe au fait sur... je l'ai vu sur Internet, sur YouTube, LinkedIn. Ils disent un mot très clé, si je peux reprendre, ils disent ne me jugez pas sur mon CV. Parce que des fois, les employeurs, ils peuvent juger une personne sur son CV. Oh, voici l'expérience. Oh, ok, non, c'est pas une personne pertinente. Alors que voir la personne aussi peut apporter peut-être du poids sur votre candidature. Donc, j'encourage cela, effectivement. Après ça, on a n'envoyez jamais le CV là, de, ou lettre présentation de la même manière. C'est ça. Là, ça veut dire, ben, moi, je le sais parce que chaque entreprise est différente, mais je savais pas, par exemple, qu'il faudrait peut-être que je fasse 5, 6, peut-être même 10 CV différents. Oui. Pourquoi? Ben, au fait, c'est ça. Il faut que ça soit adapté. Il faut que la candidature que nous déposons soit adaptée. Donc, si je postule pour un cabinet d'avocat comparé à un restaurant, et évidemment, il y a des points que je vais devoir mettre qui sont plus importants par rapport au cabinet d'avocat. Ou si c'est pour le restaurant, ben, il faudrait que je mette des points qui sont pertinents pour le restaurant. Donc là, oui, effectivement, l'erreur que la majorité des gens font, c'est qu'ils utilisent le même CV et ils envoient le même CV à tous les organismes différents. Parce que des fois, on va postuler pour tel job ou on va postuler pour une autre qui est totalement dans un domaine différent, mais c'est le même CV, la même lettre de présentation, ce qui est une erreur que les gens y font. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là, là, si on présente, mettons, 5 CV différents? On doit changer quoi? Alors, à ce niveau-là, venez nous voir au centre de l'emploi de la clé, mais pour plus de détails. Mais c'est sûr que, évidemment, le mot-clé, c'est adapter. Le mot-clé, c'est vraiment adapter. Il faut adapter votre CV, votre candidature, votre lettre de présentation par rapport à l'employeur pour lequel vous postulez. Des fois, allez voir l'offre d'emploi qui décrit un peu les tâches. Et si vous reconnaissez que dans votre passé, vous avez aussi fait ce genre de tâches, ben, faites un copier-coller. Et puis, et donc, pour que l'employeur voie, ben, effectivement, c'est exactement le genre de candidat que je recherche parce qu'il a exactement fait ce que j'ai déjà, ce que je recherche, au fait. Parce que déjà, des fois, même des gens qui n'ont pas été à l'école, faire un DEP pour cet emploi-là, ils ont appris sur le tas, ça peut être aussi bon, là. Alors, on peut l'ajouter. Oui, exactement. Je veux dire, toute expérience pertinente, effectivement, est toujours importante d'être ajoutée sur le CV. Parce qu'une fois de plus, je le répète, des fois, vous n'allez pas avoir l'occasion de parler à l'employeur, mais au moins si c'est spécifié sur le CV, c'est déjà une chance que vous donnez déjà un avantage au fait pour par rapport à votre candidature, oui. Si on résume, structurer son CV, oui. Mettre l'emphase sur la réussite, changer notre lettre de présentation et aussi notre CV, l'adapter là, à l'employeur, à l'entreprise où on veut postuler. Exactement. Donc, c'est très important. Mettez l'accent sur vos forces pertinentes. Mettez des choses qui sont pertinentes autant pour l'employeur, pour le travail que vous recherchez. C'est très, très, très important. Pas pertinent pour nous-mêmes. Parce que nous pensons que c'est important, mais plutôt pertinent pour l'employeur. C'est important de demander à l'employeur qu'est-ce que moi je peux faire pour vous, comment est-ce que je peux contribuer à l'avancement de l'organisme. Si on veut avoir plus d'aide pour faire son CV, on peut aller voir au centre de recherche d'emploi. Exactement. C'est pour les gens de 16 jusqu'à 60 ans, jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Aussi longtemps que vous avez l'âge et la force de travailler, que vous voulez travailler, évidemment, vous êtes les bienvenus. La porte est grande ouverte au Village Square Mall à 2 rue Pointe, juste ici à Penetang. Et entre autres, vous offrez le CV. Qu'est-ce que vous offrez d'autre aussi pour les gens? Oui, donc on a des ateliers, effectivement, de conception de CV. Comme je dis, ça, c'est, on a juste partagé quelques points sur le CV. Il y a plus à voir, il y a plus de détails à voir. Rappelons-nous que les rencontres, c'est deux fois des rencontres de une heure, dépendamment aux besoins de chacune des personnes. Donc oui, c'est des ateliers de CV, c'est des formations, on veut s'assurer que les gens sont prêts pour l'emploi. Donc on couvre au fait tous les aspects importants, oui. Si on veut vous rejoindre, on fait comment? Donc, pour nous rejoindre, ben, venez nous voir tout simplement au Village Square Mall à Penetang Wishin. C'est pas loin, c'est juste proche de la construction. Oui, suivez le bruit des pelles mécaniques et des camions, vous allez trouver. Vous allez nous retrouver, exactement. Rick Mialou du CRE, je te remercie d'être passé. On t'attend pour une prochaine capsule. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci.